suivez la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura, la capitale économique. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le gouvernement burundais compte ériger 4 hangars régionaux pour la gestion de la production agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire. Vous entendrez dans cette édition le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. À Gitega, l'administration provinciale regrette la situation actuelle de l'éducation des jeunes filles qui dégringolent. Et la chronique nutrition de ce dimanche va vous parler des vertus des œufs. Voilà pour l'essentiel de cette édition qui est mise en œuvre par Nelly Kuihangana. Moisemi Sago suit à la présentation. Justice transitionnelle pour commencer cette édition. Commémoration ce dimanche à Bugendana, en province Gitega, du 26e anniversaire des massacres de plus de 640 personnes déplacées internes des cités de Bugendana. Ces massacres ont eu lieu à l'aube du 21 juillet 1996 et les rescapés réclament toujours justice. Lors d'une messe qui a précédé les cérémonies du jour, l'abbé Mbuishanga de Gracias a dans son homélie demandé aux rescapés et aux familles des victimes de profiter de cette occasion pour pardonner ceux qui ont tué les leurs. Toujours dans cette province du centre et du pays, l'éducation des jeunes laisse à désirer dans la vie de Gitega ces jours-ci. Cette situation s'explique par la prépondérance des jeunes, composés essentiellement des filles qui sortent la nuit en escaladant les murs des clôtures à l'insu de leurs parents. Regret du gouverneur de Gitega qui demande aux parents de privilégier l'éducation de leurs enfants. Les parents à leur réclame la mise en place d'un comité mixte regroupant l'administration, la police et les parents pour aboutir au redressement effectif de l'éducation des jeunes. Le point avec Gérard Nebigir. Le gouverneur de la province de Gitega, Venant Manirambona, commence par dire que l'avenir des enfants en matière d'éducation est douteux, tout en précisant que l'éducation des enfants s'est beaucoup plus détériorée dans des quartiers de la ville de Gitega, dit au standing. Il ajoute que des jeunes filles surtout sortent la nuit en escaladant les murs des clôtures. C'est ainsi qu'il invite les parents à s'intéresser à l'éducation de leurs enfants, en leur apprenant de bonnes mœurs et de bonnes manières et en leur donnant des conseils constructifs en matière d'éducation. Il termine en demandant aux parents de se donner un jour la peine de venir au centre-ville de Gitega vers minuit pour vérifier la véracité de ses propos. Pour lui, ça fera mal à tout parent conscient d'assister à ce que font les jeunes. Les parents sont d'accord avec les propos du gouverneur de Gitega, mais réclament la création d'un comité mixte regroupant la police, l'administration et les parents afin de combattre ce comportement ignoble des jeunes actuels. Cela parce que si l'enfant a déjà quitté le domicile des parents, il faut d'autres forces pour le ramener à la raison. Il regrette en outre le fait qu'il y a des adultes riches même qui courtisent les jeunes filles et les amènent dans la débauche. C'est au moment où ce vendredi, le gouverneur Venant Manirambona avait organisé une réunion à l'intention des habitants des quartiers Chatanya, Musinzira et Nyabiharage pour échanger sur le récent schéma directeur de la ville de Gitega. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. De Gitega, rendons-nous à Muyinga où les coopératives de cette province exploitant de l'or de façon artisanale sont appelées à travailler dans la clarté et éviter toute fraude. L'appel est de Velio Mushimanwari au cadre du ministère ayant l'énergie et mines dans ses attributions ce vendredi à Muyinga où s'étaient réunis les représentants de 23 coopératives ayant récemment obtenu l'autorisation d'œuvrer dans ce secteur. Même son de cloche avec le gouverneur de Muyinga qui fait savoir que dans le cas contraire, ces autorisations ne seront pas renouvelées. Pierre Clavé, Barundi. Toute la production de l'or doit être acheminée à la BRD et aucune fraude n'est tolérée. Evelio Mushimanwari, au cadre chercheur au sein du ministère ayant l'énergie et mine dans ses attributions, l'a annoncé ce vendredi à Muyinga aux représentants des 23 coopératives exploitant de l'or de façon artisanale. Selon lui, tout fraudeur dans le trafic de l'or est considéré comme un ennemi du pays. Jean de Dieu, celui qui sera attrapé dans la fraude de l'or, celui-là sera un ennemi du pays. C'est défendu d'avoir ce genre de cœur à Muyinga. Même son de cloche avec le gouverneur Jean-Claude Baltonayo qui dit que les autorisations de 6 mois obtenues par ces coopératives sont comme un essai. L'État veut avoir beaucoup d'or d'après lui. L'objectif de l'État n'est pas de bloquer les citoyens, non, mais d'extraire beaucoup d'or pour développer et développer le pays. Les Chinois sont à l'aise. Dans le cas contraire, le gouverneur de Batuanao fait savoir que ces autorisations ne seront pas renouvelées. Il indique tout de même que la production de ces coopératives n'est pas mauvaise, puisque chacune peut avoir plus de 3 kilos d'or par mois. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h01, poursuivons cette édition. Des habitants de la ville d'Origi s'indignent contre la rupture répétitive de l'alimentation en eau potable au quartier Sanzu. Ces habitants indiquent qu'ils font face à l'insalubrité. Ils demandent à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Le chef d'antenne de la régie des eaux à Origi explique cette situation par le tarissement des sources d'eau. Dédoné Mouvouni conseille à ses habitants d'acheter les récipients pour la conservation de l'eau chaque fois qu'il y en a. Le point avec Jean-Claude Nshimiriman. Telles sont les plaintes de certains des habitants de la ville de Ruyigi qui sont en train de puiser de l'eau à une source aménagée se trouvant à l'extrémité du quartier Sanzu 2 à peu près 50 mètres du centre Beta. Ces habitants du quartier Sanzu 2 et 3 disent que l'eau ne coule pas actuellement des robinets se trouvant dans leur parcelle. Nous venons de passer 3 jours sans que nous ayons de l'eau. Nous nous réveillons même la nuit à 3 heures, mais là aussi nous manquons de l'eau. Nous ne savons pas là où se trouve le problème. Nous sommes venus puiser de l'eau que nous pouvons utiliser. Nous manquons de l'eau même si nous nous réveillons la nuit. L'eau ne coule pas des robinets. C'est pourquoi nous venons ici puiser de l'eau pour les travaux de construction. Certains parmi eux font savoir que ça fait déjà 2 semaines de rupture répétitive de fourniture de l'eau. Ça fait déjà 2 semaines. L'eau peut couler à partir de 13 heures ou 14 heures et la fourniture est interrompue la nuit. Avant-hier, nous avons passé toute la journée sans que l'eau ne coule des robinets. Cette situation est un obstacle à la salubrité et aux travaux de construction, selon cette population visiblement fatiguée. Les toilettes se trouvant dans les maisons nécessitent de l'eau, l'hygiène, la lessive, torchonner, tout cela exige de grandes quantités d'eau, ce qui devient très difficile. Suite à la pénurie d'eau, nous ne pouvons pas nettoyer convenablement le matériel ménager, laver les enfants et se laver soi-même, puisque nous puisons de l'eau très loin. Suite à la pénurie d'eau, les travaux ne vont pas bon train. La construction de maisons est au ralenti suite à la pénurie de l'eau. Tout cela demande à la régie des eaux à tout faire pour que l'eau puisse encore couler des robinets comme auparavant. Dieudonné Mouvouni, chef d'antenne de la régie des eaux dans la ville de Ruyigi, explique qu'il n'est pas actuellement possible de fournir l'eau à tous les abonnés en même temps suite au tarissement des sources d'eau. À cet effet, il conseille les habitants de la ville de Ruyigi à se procurer des récipients adéquats pour qu'ils puissent puiser de l'eau à tout moment quand elle est couler des robinets. En attendant que le niveau de production de l'eau redevienne normal, Dieudonné Mouvouni fait savoir que la régie des eaux va faire une fourniture de l'eau à tour de rôle, de façon que tous les abonnés soient servis chaque journée. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana. Et le gouvernement burundais envisage de construire 4 hangars régionaux, l'un dans la province de Karusi. Le but poursuivi est de construire des hangars modernes équipés, dotés d'infrastructures de stockage et de conservation afin de constituer un stock stratégique. Dans une note relative analysée au Conseil des ministres cette semaine, Prosper Nhagwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, précise que ces hangars seront construits sur utilisation des fonds de contrepartie du don japonais, suivez-le. Dans le souci de bien conserver et gérer la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire, le gouvernement envisage d'avoir 4 grands hangars régionaux qui constituent un stock national. Pour la première phase, il sera construit les hangars régionaux à Karusi et Ngozi, et pour la deuxième phase, ceux de Rutana et Bubanza. L'objectif visé est de construire des hangars modernes équipés, dotés d'infrastructures de stockage, de conservation, afin de constituer un stock stratégique à remettre sur le marché local au profit des populations en période de carence de produits de spéculation, tout en respectant la régulation de prix fixée par le gouvernement. Assurer une bonne conservation des quantités organoleptiques des produits. Protéger les récoltes contre les vols. Des deux options qui ont été proposées, à savoir les hangars hybrides et les hangars multifonctionnels, à sec et hangars hybrides secs et froids, ont été retenus. Il convient de souligner que ces hangars seront construits sur l'utilisation des fonds de contrepartie du don japonais constitués de riz, de carburant, etc. Le projet sera exécuté par la société japonaise Konoike. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a soutenu le projet. Radio Isanganiro, chronique nutrition. L'œuf contient de nombreuses vitamines, à savoir la vitamine A, D et E, ainsi que les vitamines B dont l'organisme a besoin. Selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, explique que la consommation des œufs riches en oméga 3 contribuerait à réduire le niveau de triglycérides dans le sang. Ces graisses sont responsables des maladies cardiaques. La chronique nutrition de ce dimanche avec Jean-Marie Mayonga. Les œufs contiennent plusieurs vitamines nécessaires pour notre organisme et qui interviennent dans la prévention des maladies. Le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza explique que les œufs contiennent aussi des acides aminés. Les œufs contiennent de nombreuses vitamines, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, ainsi que des vitamines du groupe B, surtout vitamine B2, vitamine B5, vitamine B9 ou folate, et aussi de la vitamine B12. L'œuf contient aussi des oligo-éléments et les minéraux suivants en quantité non négligeable, surtout le phosphore, le zinc, le sodium et aussi le potassium. Pour ce qui concerne le sodium, vous savez très bien que si le sodium se trouve en quantité très élevée, peut occasionner beaucoup d'effets néfastes à notre organisme, surtout des problèmes cardiovasculaires. Ce chercheur nutritionniste explique également que le jaune d'œuf est une excellente source de protéines. Il protège les yeux et son vieillissement. Le jaune contient des antioxydants issus de la famille de caroténoïdes, aussi la lutéine et la zeaxanthine responsables de la couleur jaune qui protège les yeux et aussi le vieillissement des yeux comme les cataractes, la dégénérescence du partie de l'œil qu'on appelle les maculants, en fait la dégénérescence maculaire est liée au vieillissement. Le jaune est une bonne source de choline qui intervient dans le développement des fonctions du cerveau. En fait, pour les enfants, ça intervient pour le développement du cerveau. Jean-Paul Ouineza signale également que les œufs renferment des triglycérides qui peuvent être responsables de maladies cardiaques. Les œufs renferment des triglycérides, quelquefois qui peuvent être de mauvais cholestérol, surtout pour les hommes, surtout pour des hommes adultes. Aussi, les œufs contiennent des phospholipides et des cholestérols qui représentent le facteur limitant à la consommation des œufs, surtout dans les régimes hypocholestérolémiantes, en fait pour des gens qui ont des troncs de lipides dans le sang, qui ont des plis de cholestérol dans le sang. Là, il faut quand même limiter la consommation des œufs. Les nutritionnistes recommandent aux gens de ne pas consommer plus de 2 à 3 œufs par semaine. Il est également déconseillé aux personnes qui ont un taux de cholestérol sanguin élevé d'en consommer. Merci Jean-Marie Mayonga et au nutritionniste Jean-Paul Ouineza. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuhangana pour la mise en onde. Au revoir.